C'est Naomi qui va enseigner, prêcher ce matin. Alors, je vous présentais Naomi parce que vous la connaissez. Peut-être vous dites, ah oui, mais c'est la femme de Mikaya. Ce n'est pas que ça. Naomi, elle supervise toutes les formations de Dynamis et de Top Leader. Vous savez, c'est le réseau que nous avons créé, francophone, qui organise des formations pour les églises, pour les croyants, dans toute la francophonie, sur 29 pays. Donc, elle fait beaucoup, beaucoup de travail. Elle est également responsable, avec son mari, de Tout Equal One. Vous savez, c'est un programme qu'on a lancé. Enfin, ce n'est pas nous qui l'avons créé. C'est un programme qui existe dans plus de 30, 40, 50 pays dans le monde. Et c'est un programme pour chrétien, pour les couples, qui est d'une efficacité redoutable, tellement qu'on se dit, bien, on voudrait avoir ça en France, ça n'existait pas. Et eux, ça faisait 2 ou 3 ans, 4 ans qu'ils priaient pour avoir un couple qui allait prendre à cœur de s'occuper du développement de ce ministère. C'est chose faite avec Naomi, Mikaya, Katia et moi. Et on a eu une première formation à Nîmes, et puis il y a une deuxième qui aura lieu à Paris. Mais c'est un mouvement international pour les couples et les familles. Et Naomi et Mikaya s'occupent également de ce développement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va aussi s'envoler avec son mari à Las Vegas, pas pour une lune de miel, mais pour 3 mois de formation au ministère dans l'église ICLV de Las Vegas, qui est partenaire avec nous. Et il y a une école biblique là-bas qui s'appelle Kairos. Et donc, pendant 3 mois, ils vont suivre des cours et se former aussi bibliquement. Parce que Naomi souhaite vraiment se former au ministère et puis s'impliquer avec les lieux dans l'implantation de l'église qui aura lieu donc à Montpellier en septembre dans l'année prochaine. Là, on travaille juste sur le projet, mais il y aura une église. Et ben, il y a déjà, il y a peut-être pas, il y a pas l'église, mais il y a déjà le conducteur de louange. Il y a les pasteurs, les prédicateurs qui sont déjà là avec les lieux qui s'excusent. Il n'est pas là ce soir parce que lui aussi, ce matin, parce qu'il est malade, enfin fa très fatigué lui aussi. Il a beaucoup travaillé. Donc, Naomi, je t'ai présenté, on va t'amener avec ton mari la table et puis ça va être à toi. Tiens. Ok. Bon, maintenant qu'il m'a présenté, il va falloir que je sois à la hauteur, mais ça va aller. Alors, pour commencer cette prédication, je voulais commencer par une vérité, par un message qui est important pour moi, pour cette prédication. C'est que Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour nous libérer, pour être libre de certaines choses, pour nous libérer du péché, et pour essentiellement, entre guillemets, avoir la vie éternelle. Mais je voulais dire que c'est pas que pour nous libérer du péché et avoir la vie éternelle, mais c'est aussi pour nous libérer de certaines choses, de certains dysfonctionnements qu'on a, et qu'on puisse avoir une vie épanouie ici sur la terre. C'est pas je vous prépare quelque chose de parfait pour l'éternité, et puis sur la terre ça va être moisi, pourri, ça va être genre trop nul. Mais non, Dieu a préparé des choses, nous a donné des principes, et il veut nous libérer de certains dysfonctionnements pour être libre sur la terre et rentrer dans dans la voie qu'il a prévue pour nous, les voies parfaites, parfaites, oui, excusez-moi, qu'il a prévues pour nous, pour chacun d'entre vous. Et donc, pour aussi commencer ce message, je voulais faire un petit sondage. C'est pour illustrer une idée. Imaginez, il y a un chien qui arrive, un gros chien, qui arrive ici, là, dans la salle, et puis il saute de partout, il aboie très fort. Qui, ici, viendrait très amicalement le voir, et puis il serait trop content de voir un grand chien, un gros toutou, et il n'aurait pas peur. Qui, ici, le... Voilà, il y en a un. qui, ici, aurait peur, et puis peur, mais modérément, c'est-à-dire, bon, il aboie, mais bon, ça va. Ok, donc il y en a 3 ou 4. Et puis qui aurait très peur et puis se mettrait à crier, puis aller se mettre tout au fond de la salle pour pas que le chien lui saute dessus. Moi, j'en fais partie. Et puis madame. Voilà, c'était pour illustrer que face à une situation, donc là, la situation, c'est qu'il y a un chien qui arrive, on réagit tous différemment. Il y en a qui vont très bien réagir et qui vont pas avoir peur. Il y en a d'autres qui vont être tétanisés, et il y en a d'autres qui vont être normales. Et donc, à chaque situation dans la vie, on réagit différemment. Et généralement, on réagit à des situations par rapport à notre passé, à des choses qu'on a vécues avant. Juste pour illustrer, moi j'ai peur parce que ma maman m'a raconté que quand elle était enceinte de moi, elle a amené mes deux grands frères à l'école. Et à chaque fois qu'elle passait à côté d'une maison, un chien aboyait. Et puis à chaque fois elle sursautait, elle avait peur. Et elle pense qu'elle m'a transmis ça. Voilà, quand, maintenant quand j'entends un chien aboyer, ben, ça me fait peur. Voilà, donc généralement on réagit à des situations par rapport à notre... à des situations qu'on a vécues par rapport à notre passé. Et donc, je disais au début que Dieu est venu pour nous libérer de certains dysfonctionnements. Et donc, on va traiter ce matin deux dysfonctionnements qu'on peut avoir dans notre vie. C'est par rapport à nos émotions, hein, principalement ce matin. C'est premièrement la peur et l'anxiété. Donc, il y a... comme je disais tout à l'heure, face à des situations, on peut avoir peur, on peut être tétanisé, être stressé, être anxieux. Et puis, le deuxième dysfonctionnement, ça sera la culpabilité et la honte. Voilà, donc ça, c'est notre programme pour ce matin. Je répète, Dieu a envoyé Jésus pour nous libérer, pas seulement du péché, mais pour nous libérer de plein de choses négatives qui sont dans notre quotidien. Et donc ça, c'est notre programme pour ce matin. Donc on va commencer, je regarde l'heure, voilà, j'ai le temps. Hein. on va commencer par le premier dysfonctionnement, donc libre de la peur et de l'anxiété. Et j'ai rajouté stress aussi à côté, ça va avec. Hein. Je vais commencer par plusieurs notions. La peur, c'est quoi ? C'est une émotion, hein. Donc c'est pas quelque chose comme la Bible, on peut pas l'attraper, mais c'est une émotion qui arrive dans nos cœurs et nos pensées. Et on dit que la peur, c'est l'émotion la plus paralysante. C'est-à-dire que la peur, quand on a vraiment peur, on est anxieux, on est stressé, ça nous paralyse. Et quand j'ai préparé ça, j'ai une image qui m'est venue, c'est le serpent. Le serpent, quand il voit une proie, il l'attrape, il la mord, il la lâche plus. Et en fait, la proie, elle bouge plus, elle est paralysée parce qu'en fait, il y a du venin. Je pense, hein, je suis pas une proie en serpent, mais je pense qu'il y a quelque chose qui arrive dans la proie et qui fait que la proie est paralysée. Et donc là, à ce moment-là, eh ben, le serpent peut gober sa proie. Et c'est un peu ça, en fait. La peur, elle nous paralyse. L'anxiété, ça nous paralyse et là, on peut plus rien faire. Et on est coincé. Et donc, comment on fait avec ça ? Et je voulais aussi rajouter, avant de vous dire comment on fait avec ça, comment on peut faire pour se libérer de la peur, c'est que, à la base, Dieu ne nous a pas créés pour avoir peur. Ça arrivait après la chute. C'est-à-dire que... Dans Genèse 1, non pas Genèse 1, mais dans Genèse, je ne sais plus combien, on ne va pas le prendre de toute façon. ça dit que, je l'ai écrit là, ça dit, j'ai entendu ta voix, donc c'est en fait Adam qui parle à Jésus, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nue, alors je me suis cachée. À partir du moment où il y a eu la chute, ben, la peur est arrivée. Donc en fait, moi j'entends des fois, oui mais c'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur, après c'est normal d'avoir peur de toucher le four parce que c'est chaud. Ça c'est pas une peur qui vous paralyse. Donc oui c'est normal d'avoir peur, de se dire c'est chaud, on va dire aux enfants ne touchez pas le four parce que c'est chaud. Donc oui on va avoir peur de toucher, on va avoir peur de se brûler, donc on va pas le faire. Mais là je parle vraiment de la peur qui paralyse. Ça vient pas de Dieu et c'est venu après la chute et donc Dieu veut vraiment nous libérer de ça. Alors, quelles sont les peurs qu'on peut avoir ? J'aimerais bien que, comme on n'est pas beaucoup, on est en famille, si vous pouvez en dire quelques-unes. J'ai une liste, moi, mais si ça peut être interactif, ça peut être bien aussi. Pas forcément les vôtres, hein, vous n'êtes pas obligé de vous exposer, mais moi, j'ai, par exemple, la peur de manquer. Il peut y avoir quoi d'autre comme peur ? La peur d'échouer. Ouais. La peur de l'abandon. Mmh. Ouais. La peur de la solitude aussi, il y a des gens qui ont peur d'être seuls. La peur de décevoir. Oui, oui, il peut aussi y avoir très grande de la foudre, oui, tout à fait. Waouh. Donc on voit qu'il y a beaucoup de peur. Hein. On va voir un exemple dans Josué. Si tu peux mettre Josué 1, s'il te plaît. Ça, c'est on est tous d'accord que Josué, c'était un grand leader. Hein. C'est lui qui a... Ouais, c'est un grand leader. Il a fait rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Pour moi, dans la Bible, c'est un des grands leaders. Et on va voir qu'il a eu des peurs. Et ça m'a vraiment étonnée parce que, en fait, je me suis dit, tiens, je vais lire Josué. Puis après, je me suis dit, mais ça va être long, en fait, parce que Josué, dans la Bible, c'est super long. Mais en fait, j'ai juste eu à lire le chapitre 1 et j'ai vu que, direct, il a eu peur. On va voir. Si je peux avoir de 1 à 9, s'il te plaît. C'est Josué. Voilà. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, on dit comme ça, hein, ouais, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusque-là, grande mer vers le soleil couchant, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Donc on voit au tout début... Dieu donne à Moïse une mission. Il lui dit, tu peux remettre Josué 1, verset 1, s'il te plaît. Il lui dit, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il lui donne une mission. Et puis, je sais pas vous, mais moi, quand Dieu m'a donné une mission ou quand Jésus vous donne une mission, on se sent pas tout de suite à la hauteur. J'ai imaginé un petit peu Josué, ce qu'il aurait pu imaginer. Il a vu, en fait, ses prédécesseurs, hein, ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert, pardon. Et il a vu combien le peuple, des fois, c'était dur. Peut-être qu'il s'est senti pas à la hauteur, c'est-à-dire il s'est dit mais moi si les autres ils sont pas arrivés, ben moi je vais pas y arriver. Est-ce que ils vont m'écouter, etc. Est-ce que je vais être à la hauteur, quoi, tout simplement. Et je pense qu'on a chacun on a des peurs comme ça et on se dit mais ok j'ai une mission, mais comment est-ce que je vais faire, quoi. Et dès le début, alors moi j'ai dans ma Bible j'ai fortifie-toi et prends courage une fois. Au verset 7, deuxième fois, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Et encore une troisième fois tout à la fin, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dès le début, Dieu lui dit, aie courage et n'aie pas peur. Et c'est pas juste, ok, vas-y, mais n'aie pas peur. Il lui donne des promesses. Dans tous les versets, dans les sept, neuf premiers versets, il y a plein d'encouragements. Enfin, on va pas relire, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'encouragements. Et pour nous, c'est la même chose quand Dieu vous donne, que ça soit qui vous donne une mission, qui vous donne un but pour votre vie, ou que ça soit, par exemple, la peur de la solitude. Dieu, il dit, quand Jésus il est parti de rejoindre son Père, il a dit, vous ne serez pas seul, je vous laisse le Saint-Esprit. Si vous avez peur, par exemple, de manquer, Jésus, il dit dans sa Bible qu'il y a plein de promesses par rapport au manquement, que vous ne manquerez de rien, qu'il est avec vous. Il dit qu'il nourrit et qu'il donne un toit aux oiseaux et aux animaux. À combien plus forte raison il va nous en donner un aussi à nous. Il y a plein de versets, des promesses auxquelles on peut s'attacher dans la Bible et qui vont en fait en quelque sorte nous aider ne pas avoir peur par rapport à certaines choses. Je voulais aussi donner un exemple, mon exemple, qui va peut-être plus vous parler. En fait, c'est vraiment bizarre que je sois là ce matin, avec un micro, ceux qui me connaissent bien le savent. J'avais une peur bleue des micros et j'ai vraiment, en fait, j'ai vécu dans la peur pendant très longtemps. À l'âge de 8 ans, je faisais les FJ, je ne sais pas si vous connaissez, les fabricants de joie avec Jeunesse en Mission. Et on faisait donc de l'évangélisation vers 8-9 ans. Et on m'a mis devant un micro et on m'a dit, voilà, tu vas présenter la pièce de théâtre qu'on va faire. Donc voilà, on m'a mis le micro et puis en fait, je suis restée tétanisée, je n'ai rien dit, et puis j'ai pleuré, et puis je tremblais, le micro il faisait comme ça. Et puis je me suis mise à pleurer, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, non mais moi, plus jamais je parlerai devant des gens. Plus jamais. Et j'avais peur pour beaucoup de choses, j'avais peur d'aller chez le médecin. Il fallait que mes parents me tiennent pour que le médecin puisse m'ausculter, peur des chiens, peur de beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, il y a quelques années, ou enfin, il n'y a pas très longtemps, Dieu m'a parlé, il m'a donné un rêve, comme il a dit Greg, m'a donné un rêve de m'occuper avec mon mari, des couples, de les former, etc. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, en fait, ça, il faut que je parle, en fait, devant les gens. Et puis, j'ai dû traverser tout un cheminement où j'ai dû vaincre mes peurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait ? En fait, ce n'est pas compliqué. C'est... tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, s'accrocher aux promesses de Dieu qu'il a pour nous. Renoncer aux peurs qu'on a, s'accrocher aux promesses. Et je pense que si Dieu nous fait des promesses, il est juste et bon pour les accomplir. C'est pas un Dieu qui ment et qui nous laisse seuls et qui nous dit « bon, maintenant, débrouille-toi ». Il y a beaucoup de promesses dans la Bible et auxquelles on peut s'attacher. Et la preuve, c'est que là, je suis là, je vous parle, je tremble pas, ma voix ne tremble pas, parce qu'il faut savoir que ma voix tremblait beaucoup aussi, ça faisait... Enfin, voilà. Je pleurais très facilement, etc. Et donc voilà, j'en suis la preuve, il y aurait beaucoup plein d'exemples, je suis sûre que Greg en aurait aussi beaucoup. Dieu peut prendre en charge nos peurs et les remplacer par des promesses. Et on n'est pas fait pour vivre avec des peurs. Mais on est fait pour vivre des victoires, parce que la peur, elle paralyse, et ça fait qu'on ne fait plus rien, et on n'avance pas, on recule même. Mais avec les promesses de Dieu, on peut aller de l'avant, et on peut accomplir. Moi, je pense sincèrement que la peur, ça a été créé par le diable pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Josué, pour finir l'histoire de Josué, s'il avait écouté ses peurs, il n'aurait pas pu accomplir tout ce qu'il a accompli avec l'aide de Dieu, bien sûr. Je sais pas ce qui se serait passé. Dieu aurait fait autrement, je suis sûre. Mais je sais pas, ça ne serait pas passé comme ça. Et pour moi, pareil. Si j'avais écouté mes peurs, si j'avais pas fait un travail sur moi-même par rapport à ces peurs, je pense pas que je serais là. Et bien sûr, ça a pris du temps. J'ai commencé à présider, j'ai commencé à parler avec des petits groupes, etc. Et puis, je suis pas encore arrivée. Je pense pas que je prêche super bien et que etc. Mais je pense que je peux encore m'améliorer et qu'il y a des peurs qui peuvent encore partir. Mais en tout cas, l'important, c'est de se mettre en mouvement. Pour donner un verset qui est très encourageant, c'est 2 Timothée 1, verset 7. « En effet, l'Esprit Saint que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Au contraire, cet Esprit nous remplit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Dieu nous remplit de force. Vous êtes fort pour accomplir ce que Dieu vous demande d'accomplir. Vous êtes fort pour vaincre vos peurs, pour traverser les moments difficiles de la vie. Nous avons une force pour... Par rapport aux gilets jaunes, ce qui se passe, je pense beaucoup qu'il y en a beaucoup peut-être qui ont peur de manquer, hein, parce que la taxe elle est très haute, etc. Je ne veux pas rentrer dans la polémique et tout, hein, mais juste comme ça, Je pense qu'ils ont peur en fait. Et nous, on a cette assurance en Dieu, en Jésus, que nous ne manquerons de rien et que Dieu est avec nous. Et voilà, je vous encourage en fait à réfléchir là juste. On va prendre une minute pour réfléchir à quelques questions. Quelles sont les craintes qui vous troublent le plus dans votre vie? Et à quel point vous ont-elles affecté dans votre passé? Parce que les peurs, ça nous affecte et ça nous empêche de faire des choses. Comme j'ai dit, ça paralyse. Et à la fin de mon message, on va avoir un temps où on va pouvoir mettre en pratique tout ça. Mais juste, vous pouvez y réfléchir là pendant 30 secondes. Quelles sont les peurs que vous avez dans vos vies et qui vous paralysent, qui vous ont paralysé dans le passé et qui le font encore? Qui le fait encore, pardon. Et après, à la fin, on va pouvoir donc identifier ces peurs, s'en défaire et demander au Saint-Esprit de vous remplir d'un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais ça, on va le faire à la fin. Je suis bon là au niveau timing. Ok. Donc, deuxièmement, on va parler. Donc, j'avais dit le deuxième dysfonctionnement, c'est la libre de la culpabilité et de la honte. Alors, ça, je pense que ça répond à. Enfin, ça questionne beaucoup de personnes. Mais d'abord, je voudrais parler de deux notions. Il y a culpabilité et puis condamnation. La culpabilité, c'est le fait de... Comment dire, ça nous amène à la repentance, mais ça dure un court laps de temps. C'est-à-dire que c'est court, c'est, on se rend compte qu'on a péché, et puis ça nous amène à la repentance. Ça s'appelle, c'est la culpabilité, la bonne culpabilité, on va dire. Mais c'est court. Et ça nous amène à nous repentir. Alors que la condamnation, c'est beaucoup plus grand, et ça nous amène pas forcément à la repentance, mais ça nous écrase. C'est-à-dire qu'on va se sentir mal, et puis ça dure très longtemps. Ça peut durer des mois et des semaines, et puis des années, et avec toujours cette condamnation qu'il y a là. Et donc, je veux pas parler je parle pas de la culpabilité, mais vraiment de la condamnation qui peut être sur nous. Et je vais prendre un exemple dans la Bible, dans Jean 8, c'est la femme adultère, hein, vous connaissez tous l'histoire. C'est les pharisiens, c'est ça, qui la condamnent. Et dans la loi, on disait qu'une femme adultère, il fallait la lapider avec des pierres et on devait la tuer. Et Jésus qui arrive et qui dit « stop ». Aux pharisiens qui dit mais qui n'a pas péché ici. Comme je disais tout à l'heure, Jésus est venu pour nous libérer. Je pense que et Jésus aussi, il est dit dans la Bible que Jésus est venu pour les pécheurs, pas pour les gens qui sont parfaits. Alors je suis pas en train de dire oui c'est pas grave si vous péchez, il faut pécher. De toute façon, Jésus nous pardonnera. Mais je veux dire que Jésus est venu pour les pécheurs et pas pour les gens qui sont parfaits, en fait. Et il a pardonné cette femme. Il lui a dit « va et ne pêche plus ». C'est ça, hein ? Oui. Comment est-ce qu'on peut être libéré de cette condamnation ? En fait, c'est simple, il faut demander pardon à Dieu. Ça nous libère. Et je crois sincèrement que le pardon, ça a une puissance. Ça peut nous libérer de toute notre culpabilité et de notre honte. Et il est dit dans 1 Jean 1, 9. Alors, tu l'as ? Voilà. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc si nous confessons nos péchés, donc la condition c'est qu'on confesse, on sait tous ce que c'est confesser, c'est demander pardon à Dieu. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il dit tout, hein. Il dit pas il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier d'un mini mensonge parce qu'on a oublié de dire un petit détail. Ou il dit pas il est juste pour nous purifier d'un mini vol. Voilà, il y avait une pomme qui était là et je me suis dit j'ai faim, j'avais pas de sous, j'ai pris. Non, il est juste pour purifier aussi d'un meurtre. Moi, je crois sincèrement que si quelqu'un, un meurtrier, a tué quelqu'un qui se repent, Dieu va le pardonner. Bien sûr, il y aura les conséquences sur la terre, il ira en prison, etc. Mais Dieu va le pardonner. Il n'y a pas d'échelle de péché, en fait. Hein, souvent, moi, avant, je pensais, oui, bon, ben, un petit mensonge, c'est pas très grave, mais bon, oh, quelqu'un qui a tué, ça craint, franchement. Non, pas du tout. Là, dans la Bible, à l'époque, ça craignait grave que l'adultère. Et Jésus, pourtant, il a pardonné. Et donc, il n'y a pas de péché qui est impardonnable. Si on confesse nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Après, moi, quand j'ai préparé ce temps, il y a un truc qui est venu, qui m'est venu, enfin une autre notion qui m'est venue à l'idée, c'est, je pense que c'est plus difficile pour beaucoup d'entre nous, en tout cas je parle pour moi, c'est très personnel, la culpabilité et la honte par rapport aux autres. Moi, je suis sûre et certaine, plus que sûre que Jésus et que Dieu va me pardonner si je lui demande pardon. Mais est-ce que les gens autour de moi, ils vont me pardonner? Et est-ce que s'ils connaissent les péchés que j'ai, ce que j'ai fait, ils vont pas me regarder d'un œil bizarre. Et là, il y a la honte qui va arriver. Et j'ai eu un exemple, en fait, il n'y a pas longtemps. J'aimerais vous le partager, c'est tout récent. En fait, on a avec Mikaya, comme Greg tout à l'heure le disait, on a vraiment à cœur les couples et on a accompagné un couple pendant des années. Et il n'y a pas longtemps, on a eu en fait un souci avec eux, il y a eu un dysfonctionnement. Et en fait, on a réalisé qu'avec Mikaya, on avait fait des erreurs. Et notre cœur, ça a été de demander pardon à Dieu et on sait qu'on a été pardonné. Mais en fait, ce couple-là, il ne veut plus entendre parler de nous. Et nous, notre cœur, c'était d'aller les voir et de mettre les choses au clair et de dire pardon, voilà, on a fait ça, c'était pas clair et on est désolé. Sauf que ben, ce couple, en fait, il veut pas nous voir, ils veulent plus nous voir et donc on n'a pas eu l'occasion de leur demander pardon. Et en fait, j'avais tout le temps cette culpabilité-là et je me disais, mais mince, j'étais pas bien quand je pensais à eux et cette situation-là parce que je me disais, mais en fait, c'est pas réglé. Mais Dieu, quand j'ai préparé ça, il m'a dit, mais si, en fait, c'est réglé parce que toi, tu m'as demandé pardon. Et eux, maintenant, c'est leur problème. S'ils veulent pas te pardonner, s'ils veulent plus te parler, ils veulent pas régler les choses, c'est le problème entre eux et Dieu. Mais moi, j'ai fait ma part. Et je pense que des fois, c'est pour beaucoup de personnes, ils comprennent très bien le fait que Dieu va leur pardonner. Et c'est simple parce qu'on sait qu'il va le faire. On sait qu'il est parfait. On sait qu'il va le faire. Mais les hommes, ils ne sont pas parfaits. Et on a toujours peur de se dire, ah, mais en fait, il se rappelle sûrement de ce que je lui avais fait il y a 10 ans. Et peut-être qu'il m'en veut encore. Mais en fait, c'est entre toi et Dieu. Si on commence à penser, à réfléchir à ce que les autres pensent de nous, et à être coupable et à se sentir honteux, on n'en a pas fini, hein. Je pense qu'il faut faire attention. Voilà, c'était une petite enfin, non, pas une parenthèse, mais une petite notion de plus que Dieu m'a mis à cœur de vous partager. Je pense que c'est facile d'accepter le pardon de Dieu et ne pas être coupable. Enfin, c'est plus simple en tout cas pour moi, peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est plus compliqué par rapport aux autres. Et je vous ai encouragé, voilà, à vous dire que en fait c'est le pardon, c'est entre Dieu et vous. Bien sûr, si le couple vient nous voir un jour et nous dit oui, on veut être en contact avec vous à nouveau, et on leur dira pardon, encore une fois. Mais là, pour l'instant, ils ne veulent pas. Et je dois être en paix, et je dois faire attention à être en paix, à faire attention à mes pensées. Quand je pense à cette situation, je dois être en paix par rapport à Dieu parce que moi j'ai demandé pardon à Dieu. Donc vous avez compris comment est-ce qu'on peut se libérer de la culpabilité, enfin de la condamnation et de la honte, c'est par la repentance et faire attention à nos pensées. Voilà, ça c'est très important, faire attention à ce qu'on pense parce que c'est très facile quand on voit une personne, on se dit ah mince, il y a ça là, je lui avais fait ça. On a demandé pardon et tout, mais est-ce que. Voilà. Moi, je me dis dans ma tête que quand je vais voir ce couple, ben, je vais les prendre dans mes bras, je vais leur dire je suis contente de vous voir, je vous aime fort, etc. Mais je ne veux pas être dans la culpabilité, la honte. Voilà. Donc, quelques questions avant de passer à la mise en pratique, c'est est-ce que vous ressentez de la culpabilité ou de la honte à propos de certaines décisions, à propos de pensées ou d'actes que vous avez faits dans le passé, ou passé très lointain, ou passé pas lointain. Et si tel est le cas, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous êtes dans la condamnation et la honte, ou est-ce que vous avez des facilités? Pour vous, la condamnation et la honte, c'est pas un problème. Voilà, donc si vous, on peut juste réfléchir à ces quelques questions. Je vous laisse 30 secondes et puis après on va passer à la mise en pratique. Est-ce que tu peux mettre un petit peu un champ ou soit un champ ou... Voilà. Donc je répète les questions par rapport à la peur et l'anxiété. Les questions, c'est quelles sont les craintes qui vous troublent le plus et à quel point ces craintes ont affecté votre passé et votre présent. Et par rapport à la culpabilité et la honte, c'est ressentez-vous de la culpabilité ou de la honte à propos de décisions, de pensées ou d'actes de votre passé? Si tel est le cas, comment les avez-vous gérés? Là, comme ça peut paraître anodin, mais je pense vraiment que le cœur de Dieu, c'est de nous libérer de tout ça, là. Parce que comme j'ai expliqué, ça peut vraiment nous bloquer dans notre destinée. On peut rester figé dans notre destinée et ne pas avancer. Donc là, ce matin, il y a des fois où on peut vous dire « Avancez-vous, on va prier pour vous, le pasteur va prier pour vous, ça va être miraculeux, etc. » Mais là, c'est entre vous et Dieu. C'est vous qui décidez de vous libérer de la peur, de vous libérer de tout ça et de proclamer les promesses qu'il a pour vous. C'est entre vous et Dieu par rapport à la condamnation, c'est entre vous et Dieu par rapport au fait de confesser vos péchés. Et bien sûr, quand vous allez sortir, vous n'allez pas... Ça sera encore là, entre guillemets. Le fait que, quand vous... En fait, le confesser ses péchés et vaincre la peur, c'est quotidien. C'est-à-dire que c'est pas en une fois et ça y est, c'est fini, c'est quotidien. Et tous les jours, il faudra que vous vous rappeliez, ok, le 2 novembre, j'ai prié et j'ai été délivrée de la peur et j'ai demandé pardon, donc j'ai été pardonnée par Dieu. Saint-Esprit, merci de venir, Seigneur, nous parler, de nous montrer, Seigneur, les peurs qu'on peut avoir qui nous paralysent. Merci de venir nous révéler, Seigneur, ce qui nous bloque dans notre destinée. Merci de nous montrer toute la condamnation et la honte qu'il peut y avoir dans notre quotidien. Merci de parler à chacun puissamment. Et je vous encourage, quand vous aurez... Il y a des idées qui vont arriver, il y a des choses qui vont arriver. Je vous encourage à renoncer aux peurs et à chercher dans la Bible et à demander au Saint-Esprit de vous révéler ce qu'il peut, les promesses qu'il a pour vous par rapport à ces peurs. Je répète, il peut y avoir la peur de la solitude, la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de manquer, la peur de décevoir les parents, les amis, le pasteur. Et je vous encourage donc à demander pardon pour d'avoir obéi à ces peurs, puis d'y renoncer, et puis de proclamer les promesses que Dieu il a pour vous. Merci parce que tu nous as donné non pas un esprit de timidité, Seigneur, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. Merci pour la force que tu nous donnes maintenant face à nos peurs. Merci pour le fait qu'on ne manquera jamais de rien. Même s'il y a des difficultés tous les jours, peut-être pour manger ou pour quoi que ce soit, toi tu dis... qu'on ne manquera de rien et on veut s'appuyer sur tes promesses. Merci Seigneur parce que tu nous pardonnes et il n'y a pas de rejet de ta part. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de... Tu ne repousses point, mais tu nous accueilles. Merci Seigneur parce que... n'y a pas de déception en toi. Il y a juste de l'amour et tu nous ouvres en grand tes bras. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas seuls. On a le Saint-Esprit avec nous et tu mets sur notre chemin des amis très proches. Et je pense vraiment que j'ai juste ça qui est venu à cœur, une idée. Les désirs de nos cœurs, il les connaît. Et je pense pas que Dieu nous a créés pour nous décevoir et nous dire « Ah non, tu désires ça, mais non, je ne vais pas te le donner. » Alors, enfin, s'il pense que ce n'est pas bon pour nous, il ne le donnera pas forcément. Mais en tout cas, ce n'est pas méchant. Il n'est pas méchant, il est bon. Il veut que vous soyez heureux, il veut votre bonheur, il veut votre bien-être. Et je pense vraiment que quand on a, parce que c'est Dieu qui dépose en nous des désirs. Des fois, on est passionné pour des choses, des fois, on a vraiment ce désir très profond pour certaines choses et il les voit et il y répond. Merci Seigneur pour tes promesses. Alors on va passer au deuxième point. Est-ce que vous ressentez de la culpabilité par rapport à certaines choses, de la honte par rapport à des choses que vous avez pu faire, des choses que vous avez pu dire par rapport, je sais pas, à vos parents, par rapport à vos frères et sœurs, des amis, au travail? Est-ce que vous avez des choses pour lesquelles il faut que vous demandiez pardon à Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut juste que vous vous rappeliez que vous avez demandé pardon et que pour Dieu, en fait, ça a été effacé? Vous savez, quand Dieu il pardonne, c'est effacé, en fait. C'est nous qui nous rappelons de ces choses-là, mais pour lui, ça n'existe plus. Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles il faut que vous vous rappeliez que Dieu vous a déjà pardonné et que vous êtes libre de tout cela? Si c'est le cas, je vous invite à les identifier donc et à demander pardon pour ces choses-là, à vous confesser en fait à Dieu et à vous rappeler que Dieu est fidèle pour pardonner à ceux qui confessent leurs péchés. Merci pour ton pardon, pas le pardon juste pour les petits péchés entre guillemets, mais pour tout. Merci parce que tu pardonnes tout. Merci parce que je suis pour ton amour. Et Seigneur, on veut aussi, Seigneur, se libérer du joug qu'on peut avoir par rapport au regard des autres, par rapport à notre passé, par rapport avec eux. Merci Seigneur parce que c'est entre toi et moi aujourd'hui, et toi tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Et on veut te demander pardon pour toutes les fois où on s'est rappelé de certaines choses qu'on avait fait et qu'on a senti de la culpabilité. Merci parce que toi, tu nous avais déjà pardonné et que pour toi, c'était oublié. Même s'il y a les conséquences, Seigneur, toi, tu nous as pardonné. Merci pour ta fidélité là-dedans, Seigneur. Merci parce que tu nous rends libres de tout ça. Je vous invite à rester encore une minute en prière et je veux juste faire écho à ce que Naomi nous a partagé. J'avais une pensée pour vous lorsqu'elle a parlé de Josué, où il est dit « Fortifie-toi et prends courage sans moi ». C'est ce que Dieu vous dit à vous tous ce matin. La force ne vient pas de... Dieu n'a pas dit « Je vais te fortifier, je vais te donner du courage ». Mais juste Dieu a indiqué à Josué ce qu'il devait faire face à la peur. Et je sens, c'est ce que Dieu, au travers de votre combat contre la peur, votre combat contre la culpabilité, la mauvaise culpabilité, vous devez vous fortifier et vous-même prendre courage. On se dit, mais comment je vais faire ça? La première chose, je vous invite à vraiment, tout au long de cette semaine, pardonner et vous pardonner. Il y a énormément de choses. Le Saint-Esprit va... On n'aurait pas assez d'heures pour ce matin pour vous laisser l'occasion de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, et vous allez le voir, même des fois c'est anodin, mais des fois c'est des gens, quand on conduit, ils nous agacent. Mais il y a vraiment, je sens vraiment le Seigneur qui veut, pour vaincre les peurs et les culpabilités, qui vous conduit à pratiquer ça. Je pardonne et je me pardonne. De manière, c'est une hygiène. Là, tu es en train de concrètement te fortifier, de prendre courage. Deuxièmement, vous devez, à partir de, pour vous fortifier et prendre courage, vous devez commencer à parler différemment sur vous-même et sur les situations. Je sens vraiment Dieu qui vous interpelle dans cette semaine. Maintenant, je veux veiller aux paroles. Je ne peux plus tenir les mêmes discours sur moi-même et sur les autres et sur les situations. Se fortifier et prendre courage, c'est commencer à parler positivement sur vous-même, sur les autres et sur les circonstances de la vie. Comme la fée Naomi, elle avait une peur bleue de prendre le micro, mais elle a commencé à dire, mais non, je peux le faire, je vais le faire. Si j'ai ce rêve de m'occuper des couples, elle a commencé à effacer de son disque dur une représentation qui l'a bloquée. Et elle a commencé à parler positivement sur elle-même et sur son futur, et la peur est partie. Et je vous invite à faire cela. Et la troisième chose que le Seigneur mettait à cœur pour vous, fortifie-toi, prends courage. Il faut veiller aussi aux gens que vous fréquentez. Il y a peut-être des gens, vous êtes avec eux et vous ressortez de ce moment de relation, vous êtes vide, découragé. C'est des gens qui parlent toujours négativement et qui portent avec eux un message, mais même quasiment une onction qui est extrêmement négative. Et je sentais Dieu qui vous disait aussi, mais pour se fortifier et prendre courage, il faut aussi s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique. Des gens positifs, des gens qui pardonnent et qui se pardonnent. Parce qu'on est forcément à l'image de ceux qu'on fréquente le plus. Et je sentais vraiment le Seigneur qui vous interpellait. Fortifie-toi, prends courage en appliquant ces trois choses. Alors je vous bénis dans le nom de Jésus. Et Seigneur, je te remercie pour les victoires sur les peurs et sur les culpabilités qui sont données à chacun. Merci pour notre progression. Seigneur, nous prions également pour toutes les personnes que nous allons rencontrer et qui ne te connaissent pas cette semaine. Seigneur, fais de nous des messagers de paix, des messagers d'amour, des messagers de la grâce, de pouvoir impacter les gens qui nous entourent, juste, pas juste avec le message de l'Évangile, mais surtout avec notre cœur, avec, Seigneur, ton amour, les encouragements et les pensées que le Saint-Esprit nous mettra dans le cœur, Seigneur. Nous te remercions pour ce temps avec toi, Seigneur, pour ce culte. Et je bénis, Seigneur, chacun et dans la semaine qu'il va vivre. Amen. Soyez bénis. Mardi, donc, pour ceux qui sont inscrits à l'école, Transformation, donc ici, on se rejoint, on poursuit avec le livre de...